Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès Sifou pour la semaine du 21 au 27 novembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marie-Pierre Laforge-Bourrel. On va passer un bon 3 heures ensemble à écouter le top 40, le top 20 francophones et top 20 anglophones. Si tu additionnes les deux ensemble, ça fait pas mal un 40, là. Hein, quand même? Ouais. Hey, pour une fois que je réussis une formule mathématique, applaudis-moi un Félicitations, peu. Félicitations, Mathieu. Merci. Tu mérites un morceau de robot. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas entendu une référence à des morceaux de robot. Bravo. Donc, dans les palmarès, c'est fou. Cette semaine, on va avoir évidemment les meilleurs moments d'assemblage requis dans ce qu'on appelle un instant classique. On va aussi avoir, je crois, la visite de Justine Renaud. Je l'espère. Ça s'en vient d'ici la fin de l'émission avec sa petite chronique de découverte musicale. Elle a fait toutes les choses qu'elle veut partager avec vous. Alors, on a aussi des nouvelles entrées. J'en compte 8. Du côté francophone, il y aura plus tard Folambule, Malajube et les Cowboys Fringants. Et du côté anglophone, il y aura The Perms, Ox et The Jolts. Ox! Ox! C'est très bizarre de dire Ox! Ouais, c'est pas trop évident, hein? Ouais. C'est un animal, je crois, un Ox. Ah! Oh. Je crois. Faudrait chercher. Mais on va débuter avec les 20e positions. Du côté anglophone, ce sera Jane's Addiction avec Underground, une nouvelle entrée. Et du côté francophone, ce sera les Dale Arachuk avec Posh Blender. Hey, le retour des Dale Arachuk, j'étais sûr que c'était fini cette affaire-là. Ça a comme eu une genre de vague, de buzz autour d'eux il y a quelques années de ça. Ça, c'est disparu de la carte. Et là, c'est de retour enfin. À ce qui paraît que c'est très, très bon. Et j'ai entendu dire que ça ressemblait un petit peu presque à du Galaxy. Oh! Ça mène à barre haute, je trouve. Okay. Bonne chance, Dale Arachuk. Bonne chance. Je veux avoir les poches pleines, les poches pleines. I'm C'est fou, 89.1. Oh. un retour pour The Jolt, c'est I Wanna Be Where the X's Are, pièce qui était sur le palmarès en septembre. Mais là, de retour, j'imagine que les gens se l'arrachent et se la font jouer encore. Il y a un buzz autour de ça, j'imagine. Donc, double retour en 19e place de The Jolt, comme si c'était une nouvelle entrée. Et juste avant 19e position francophone, c'était les Cowboys Fringants avec Has Been. Avant ça, on a entendu les 20e places. Ah, tu disais avant ça, les 19e places ont l'air d'avoir un thème. Ben, c'est dans ma tête, ça. Mais tu sais, il y a Has Been du côté francophone et du côté anglophone, c'est I Wanna Be. Tu sais, un Wanna Be, un Has Been. Quelqu'un qui aimerait être et l'autre qui l'était, ouais, mais qui l'est plus. Ouais. Qui aimerait l'être encore. Dans ma tête, ça fitait. Dans ta tête, ça avait du sens. Ouais. 20e place anglophone, c'était nouveau. Jane's Addiction avec Underground sur leur album The Great Escape Artist. C'est le deuxième extrait de cet album-là. Et c'était également nouveau du côté francophone. C'était les Dale Archuk avec Poche pleine d'or sur leur CD, la tour du Le Tour du Chapeau. Le Tour du Chapeau. Oui. Bon. Donc, on vient d'entendre 4 nouvelles pièces. On va en entendre 4 autres nouvelles tout de suite parce qu'il nous reste 4 nouvelles entrées. Plus tard, il y aura Funambule de Perms et Hux. Mais on débute en 18e francophone. Avec Malajub et Ibuprofen. Oh, j'aime tellement cette pièce-là. Je sais qu'on prend Malajub. Oh. Et en particulier Ibuprofen. Je pense que c'est une de mes préférées. On l'écoute? On l'écoute là, là. Oh, au palmarès, c'est fou! Au 89 FM? Wow! On est gâtés dans la vie. Yeah. nouvelle entrée. C'était The Perms avec High School High en 17e position anglophone. Très bon, ça. Oui. J'ai bien aimé. Avant, du côté franco, Stéphane en bulle avec Tel un naufrage, un nouvel extrait de leur nouvel album Alice. Ça aussi, j'aimais ça. Avant, on a entendu les 18e places en anglo, Ox, avec Indie Rock Radio Nation sur leur album Tuco. Et la 18e francophone, c'était Malajube avec Ibuprofen. Évidemment, on l'a déjà dit. Ta favorite. Oui. Ah, Colin, je prévois déjà le prochain extrait, là. Je suis comme, ah, crime, chose, là, radio truc, là. Comment ça s'appelle? Radiologie, la prochaine, je pense. OK. Pas le choix, trop bon. Ah, on va écouter cet album-là, là, on va traire le pi, là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, on a terminé pour les nouvelles entrées. On va faire un petit bloc trois quarts, comme on aime les faire. On va sauter par-dessus une pièce sur quatre. C'est oui. Une bonne idée, ça? On va sauter par-dessus Wilco en 16e position anglophone avec la chanson I Might. On va tout de suite entendre la position francophone. C'est ça? Oui. Voici Marc Derry. Ça monte de 3 places. Nouvelle entrée de la semaine dernière, c'est l'Astroblème. Où ça? Où ça? Où ça? Marie-Pierre, où ça? Au palmarès, c'est fou. Bon, Caroline, hein? Dur à trouver comme réponse. Ben oui, mais là, tu me demandes tout de même où ça? C'est à quelle station, ça, mettons, les palmarès, c'est fou? Mettons, bon, quelqu'un si tu m'avais demandé ça, okay. J'aurais su répondre. OK, donc réponds. Au palmarès, c'est fou, assez fou. Ah, oh, wow! Hey, c'est pour ça que ça s'appelle les palmarès, c'est fou? C'est à cause que ça joue assez fou? Exactement. Aïe, je pensais à une phrase comme les palmarès, c'est fou, tu sais, hein? C'est fou! Oui! Regardez-moi ce ciel, on n'a rien vu de si beau depuis facilement l'année zéro. La terre est encore belle, encore pleine de gouttes d'eau. Il ne nous manque rien, y a tout ce qu'il faut. Quand il dort, y a un nouveau soleil, une autre constellation, y a plein de nouvelles idées qui s'éveillent. Jamais rampé dans la boue. pas voir les morsures à mon cou. Va déposer les armes au fond des bois. Surtout ne reviens pas. We'll be right back. C'était Camp Radio avec Turn Up the Radio en 15e position anglophone. Avant ce côté franco, c'était Salomé Leclerc et Ne reviens pas qui monte de 3 places, c'était nouveau la semaine passée. On reçoit Justine Renaud en studio qui est arrivée. Oui, Justine Renaud. Je crois que t'as perdu la tête, Justine. J'ai perdu la tête, mais c'est pas grave, on va la retrouver au fil de l'émission. Raconte l'histoire, tu pensais qu'il était 2h30 quand on a commencé l'émission? Oui, ben hein? Voyons, ben en tout cas, c'est ça, j'ai vu sur mon ordinateur, sur l'horloge du faux micro-ondes, tu sais. Uh-huh. Ah, c'est peut-être ça, le faux micro-ondes qui est gonflable. Ça, c'est l'heure standard de tout l'univers. Là. Ça, c'est le Greenwich là, de tout l'univers. Il est branché sur le Wi-Fi, ton micro-ondes. Ouais, c'est un micro-ondes Wi-Fi. USB sur ton computer. Là. C'est ça. Mais microwave. Il tombe pas. Non? Il tombe pas, la petite plaquette ne tombe pas? Non, il est vieux à ce point-là. Ouais. C'est vraiment intéressant. Donc, Justine qui est avec nous pour sa chronique les tartines de Justine. Mm-hmm. Tard dans l'émission. T'as hâte, ma Pierre? Ben oui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ouais, c'est vrai. La dernière fois que Justine était là, Marie-Pierre n'était pas là. Non. C'est ça, elle n'était pas là. Tu avais même peur de toucher à ton micro ou à son micro à cause qu'elle était malade dans ta tête. Là. Si vous vous demandiez pourquoi que je parlais pas fort, là, c'est parce que j'avais peur d'attraper ces bactéries de micro. Je n'avais pas de bactéries. Mais non, c'est ça. Elle n'était même pas malade. Là. Non. T'étais juste fatigué ou pas en forme? Très, très, ouais. Vraiment pas en forme. Non. Ça arrive. Donc, Justine, tantôt, tu vas nous parler de quoi dans ta chronique? M-A-A-E-E-M-A-E. On va parler d'M-A-E. Juste M-A-E, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, elle a bégayé, fait qu'elle a pas le choix. Hein. Elle bégaye? C'est une chanteuse et elle bégaye? Non, c'est pas vrai, elle bégaye pas. Mais dans ses chansons, on dirait qu'elle bégaye. Parce que c'est des effets sonores. Non, elle répète ses mots. Non, je pense pas sérieux, je pense pas que c'est des effets spéciaux. Elle répète vraiment ses mots de elle-même. M-M-I-I. Mais c'est pas de la censure, c'est parce que dans les chansons aux États-Unis, quand ils censurent, des fois, à la place de mettre des bips ou de mettre des muets, des mutes dans le son, ils changent le mot et ils font répéter le mot d'avant. Ah oui, sérieux? Deux fois le même mot à la place de dire le mot vulgaire. Oh mon Dieu, fait qu'elle pourrait être en train de dire comme M-I-A, citronnelle, sac à papier, mange, Peter des fleurs et etc. Voilà. T'allais dire, Non. C'est quoi ton... C'est juste le dernier mange-crotte. C'est très court. C'est là que ça était vulgaire. Hey! Wow. On est à la radio, là. Marie-Pierre, ton patois non vulgaire préféré? Bon, je sais pas. Comme ça, rapidement. Ouais. Tu me laisses-tu le temps d'y penser? Non, voyons. T'es capable de dire ça de même. Mais certain bout de temps, c'était crotte de bique. Crotte J'avais de bique. J'avais vu ça dans un film. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. Moi, c'est 16 filles de macaroni tout garni. Oh, comme dans macaroni tout garni. Ben, moi, je fais juste sacré, fait que ouais. Je suis désolée. Ça se dit pas au micro. Comme un marin. Comme ben, un... genre, le moins pire, là, ça serait comme... Ben, je peux pas le dire, ça. Bon. Je peux pas le dire. Le moins pire, ça serait pire. ma mère, elle serait pas contente. Non. Ma grand-mère non plus. Bon, on va leur épargner toutes ces douleurs et ces souffrances. On salue ma grand-mère, d'ailleurs. Oui, salut grand-mère Renaud. Comme non, toujours. Renaud. Non, grand-maman non. Lamotte. Voyons, c'est quoi ton problème? Franchement, voyons. Non. What the fuck? Ben oui, la what? De fuck. De fuck. C'est correct, ça. Imite-moi un fuck. Mets-le-moi l'autre. Ah! Eh ben! J'ai absolument rien compris. Donc, on revient tantôt avec ta chronique, mais pour l'instant, on s'en va entendre. Les positions numéro 14 du côté anglophone, ce sera The Pack 80 avec Sirens qui descend d'une place. Et du côté francophone, c'est Brady Cardi avec Simon Cœur. On les salue, Brady Cardi, formation locale, on les aime. Gros bisous, gros bec. Gros French. T'as ambitionné un peu, là, vulgaire, toujours, toi, tu dépasses les limites, Je connais pas les limites. Tu connais sans limites? Non. Claire Veston Bleu Poudre, non? Non. Ne m'en veux pas, dis simplement. jamais tu me croyais, s'il vous plaît, ne m'en veux pas, dis simplement alléluia. Et si jamais je respirais, et si jamais on s'effaçait, c'est ça la vie ici-bas. Mais comment dire alléluia? Mais comment dire alléluia? Mais comment dire alléluia? Mais comment dire alléluia? Mais comment dire alléluia? Allez, filles, les filles, les filles. Les filles? Oui. On va revenir deux secondes juste pour mentionner que c'est pas la bonne tune, OK? OK. Ça va pas l'heure. Attention, on revient. C'est pas subtilement. C'était Brady Cardi avec une pièce bonus qu'on s'est offerte parce qu'elle est tellement bonne. En fait, c'est pour voir si vous, les auditeurs, vous suiviez. Plus que l'animateur, mettons. Oui. Ben, elle est bonne, la pas bonne tune. Ben, je sais. C'est l'ancienne qui était dans les palmarès. C'est ça, exact. Mm-hmm. Ouais. Fait que moi, je pense qu'on devrait aller entendre la bonne. Okay? Je suis bien d'accord. Est-ce que j'appuie là? Oui. On parle plus, là. Press. Ça va être super subtil. Là. Ça paraîtra même pas. OK. Non, non. OK. numéro 14. Pack Haley et Sirens en position numéro 14, ça descend d'une place. Et juste avant, c'était Bradycardie avec Simon Cœur. Et juste avant, c'était Bradycardie avec une autre chanson qui était dans les palmarès il y a quelques semaines. It's a lie! She's lying! Hey, je parle anglais. Donc, c'est la fin de la première heure. Il y en a une deuxième qui s'en vient. Et tantôt, Justine va être là pour ses tartines de Justine. Oui, ben oui, je vais être là. Ça irait mieux si je suis là. Hein? Il va y avoir aussi les moments / instants classiques d'assemblage requis. Ah, oh, pas de moments, juste des instants. Non? Une série d'instants. Ouais. On peut le dédier à un moment que tu veux. Ouais, pardon. Moment bouché. Ah, ah, des Black Death Angels, là. Ben oui, me faire tuer puis me faire péter les jambes en sortant. Pas le droit de faire ça. Mais je le sais. Alors, tiens-toi! Justine. Justine Renaud. Aye, Justine. Oui, Mathieu, Justine. Plante. Non, non. Marie-Pierre, t'es safe. Oups. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Et ça te nettoie les oreilles, ça. Wow! Deuxième rang des palmarès, c'est fou pour la semaine du 21 au 27 novembre 2011. Lui, c'est Mathieu Plante. Et elle, c'est Marie-Pierre Laforge-Bourin. Et faut pas dire les noms de famille! Oh, les Hells! Les Hells vont venir nous casser les jambes! C'est quoi, comment en espagnol je m'appelle? Non, Hombre. Hombre, c'est ça. Oui. Hombre. Il va aller casser les jambes des hombres. Hombre. On et raser la moustache. C'est ça. C'est Hombre, c'est avec une moustache et un chapeau. Un sombrero. Il y en a qui disent que ça veut dire homme, hombre. Oui, en espagnol. Mais en même temps, dans ces pays-là... T'oublies le H, c'est juste un nombre, c'est plate. Là. C'est une chanson de Mère Carmen à quelque part dans les années 10. Ah oui, il y a une chanson de Mère Carmen avec ombre dedans? Non, j'imagine que oui. Il doit y avoir une chanson de Mère Carmen qui s'appelle Ombre à quelque part. On peut pas la chanter, sinon droit d'auteur, hein, copyright, poursuite. Bon, on la connaît pas en plus. En plus, ça va on mal. On sait même pas si elle existe. On chantera pas L'Aigle Noir non plus. Hein. Non! C'est tentant, mais on le fera pas. L'Aigle Douce. Non! L'Aigle Douce! T'as vraiment dit L'Aigle Douce, hein? Ben oui, c'est ça, si j'ai des sauces, c'est ça. Miel et moutarde, barbecue épicé. Voilà. Wow. Hey, on mange-tu des croquettes de poulet? Ah, yes! Go! Bon, non, à la place, on va l'entendre dans les positions numéro 13. 13. 13. Du côté anglophone, ce sera Feist avec... Feist! Ce sera Feist! Feist, hein? Avec The Bad in Each Other, c'est la position donc, de 13 qui descend de la 8e place. Donc, si je compte, ça fait 5 places. Ben, c'est bon. Félicitations, Mathieu. Merci beaucoup. Et en 13e position francophone, c'est Monogrenade avec Obsolète qui descend... De combien? Oh, de 6. Wow, à l'œil du premier coup. Sans presque aucune hésitation, ça. Je l'ai vu compter sur ses doigts. À des doigts? Je sais pas. J'ai la peau d'un lézard, les yeux de squelette. Entre leur mâchoire et cerveau d'allumette. Raconte une histoire, fais-moi chauffer la tête. J'ai Montréal, Istanbul et Bruxelles. Numéro 13. We'll be right back. On vient tout juste d'entendre Feast avec The Bad in Each Other en 13e position anglophone. Et avant du côté franco, c'était Monogrenade avec Obsolète qui descend de la 7e place. On vient d'apprendre à Justine Renaud que l'émission est rediffusée les vendredis soirs entre 17h et 20h. Non, vous ne me l'avez pas appris, là. Rectification, erratum, je l'ai lu. Bah. Oui, j'ai la capacité de lire. Félicitations. On rejoue aussi le lundi après-midi entre 13h et 16h. Ah, ben ça, tu me l'apprends. Ouais. Fait que bah. Si t'es pas bonne, ben tu vas être pas bonne trois fois. On va te tester dans deux semaines pour savoir ce que t'as retenu. Oh, examen. Ben c'est pour ça que je viens juste une fois par deux semaines parce que je me dis que. Au nombre de fois que ça joue. Ouais. Non, ben, hey, bon, les gens vont s'écœurer. Hein. Ben oui, hein. Est-ce qu'on écoute les meilleurs moments d'assemblage requis? Oui! Hey, vous avez quasiment l'air excité pour vrai. Non, non, sérieux. Hey, c'est le meilleur moment de ma semaine. Je veux dire, on oublie ça, là. Oublie Occupation Double. Puis ça, là, ça, c'est la vie. Non, j'écoute pas Occupation Double pour de vrai. Ben, j'espère. Parce regarde-moi que, pas avec ta moustache. Je suis en train de te juger. Ma moustache te jugeait. Ouais, ben, les pipes, ils jugent le buste des femmes là-bas. Et les bustes. Les melons, ils jugent les pipes des gars. J'aime pas ça. C'est méchant. Oh, ouais, check me, pipe. Citation de Guillaume Wagner. Puis on sort des voix de filles en plus. Oui, ben c'est ça. C'est ça qui est étrange. On aurait pensé que les stéroïdes, ils leur donneraient une grosse voix, mais non, en tout cas. Est-ce qu'on était rendu à un instant classique, c'est ça? Oui! Voici les meilleurs moments d'assemblage requis, oui, pour la semaine du 21 novembre 2011. J'ai passé samedi soir aux urgences. Oh? Ah ouais? À cause de ta moustache? Ouais, c'est ça, mon problème de moustache, ça veut pas partir. J'essaie, je frotte, la tache de son soya ne part pas. Non, mais pour ta gorge? Ouais, pour ma gorge. Oh, pour comme on disait tantôt, Nicolas Ducharme n'est pas avec nous aujourd'hui pour sa chronique sport. Donc, il y a eu des matchs, il y a eu des gens qui ont joué à des sports. Des gens? Qui ont joué à des sports. Ouais, c'est mon résumé sportif. Des gens qui jouent. Des gens qui jouent. Hé hey Mathieu, je sais que tu parles souvent dans ton émission des palmarès où tu fais jouer pas. Oui, ça c'est des palmarès. Palmarès, c'est fou, ouais, les jeux de l'après-midi. Tu fais jouer les meilleurs moments. L'assemblage requis, exactement. Ouais. Puis là, souvent, tu parles avec Marie-Pierre Lafarge-Bourret. Ouais, ma co-animatrice. Ouais, okay. Que t'aimerais ça, qu'on stage un peu. Ouais, qu'on stage. Puis il y a une idée qui m'est venue. Okay. Je sais pas, t'aimes-tu que je t'en parle alors donc? Je sais pas. Je veux qu'on soit comme les plus improvisés, les plus genre sur le moment, live, emotion. Emotion live, là. Ouais. Direct dans ta face. Non? Oh, ouais, écoute, ok, parfait. Ou encore parle-moi-en, si c'est ça que tu veux faire, là. Non, mais je sais pas, tu sais, quand tu disais c'était UG. Ouais, ben comme arranger un meilleur moment pour pouvoir le mettre dans les meilleurs moments, t'sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ouais, c'est fait. Écoute, on pourrait aller entendre une pièce puis revenir. Puis là, bam. On fait. Ben parce qu'on a fait ça la semaine passée de dire qu'on allait entendre. Non, une mais pièce, là, c'est vrai. Ben, en tout cas, okay. Là, j'ai une idée, là. T'as la une dernière idée. Fois, moi. Merveilleux. Mardi 22 novembre, ouais. C'est jour des vidanges aujourd'hui. Vrai vidange, ouais. Reste pas sur le bord de la rue, ils vont te ramasser. Toi, en tout cas, toi, il va falloir qu'attendre le jour, là, tu sais, la cueillette des déchets dangereux, là, parce qu'il y a personne qui veut te toucher, toi. Hein? Mmh. Ah! Oh! Hey, là! Ça y est. Écoute, j'ai plus le goût d'animer avec toi. Moi, je suis en furie, là. T'es en furie, hey, oui. Ça a l'air à ça. Ah ouais, hein? J'ai les bras croisés, tout, là. Hein? Ouais. Parce que ta face est comme défigurée, là. C'est la moustache, hein? Toi, t'as l'air d'avoir. Ça y est, on commence à s'insulter en honte. T'as l'air d'avoir. Tout pue. Oui, ben c'est ça. Ouais. T'as la poubelle. Dans ta face, déchets dangereux. Oh, bon. Personne veut te toucher. Bon. Fait que là, ça va être le meilleur moment? Non, je sais pas. Peut-être. On va voir. Bon. Si c'est le meilleur moment, ben salut, gens qui écoutent les meilleurs moments. Bonjour. Hey, salut, Marie-Pierre. Salut. Marie-Pierre. Salut, Marie-Pierre. Marie-Pierre qui va être là tantôt, d'ailleurs. Oui, à sa chronique littéraire. Ouais. On va nous parler d'un livre. Ben, j'espère. Ouais? J'espère. Espérons-le. Ou d'une revue, non? Peut-être. Ça se pourrait, j'imagine, peut-être. Mm-hmm. Il y a des textes là-dedans, oui. Ouais. Ou de site internet avec des textes, peut-être. OK, peut-être. Ça se peut-tu? Travail de session? Ah! Journal intime, après nous lire. Journal intime. Ça serait plus intime. Ah, aujourd'hui, au palmarès, c'est fou. Mathieu, il m'a torturé encore avec ses jokes plates. Puis là, je suis tanné. Je vais m'en aller. C'est une demande spéciale de David Ferron, notre nouveau. Gars des promos. Le gars des promos. Comme on aime le dire dans les autres radios, le gars des promos. Mais on n'ira pas lui parler en direct d'un magasin Nowhere pour vendre des affaires alors qu'il est seul dans la boutique, mais qu'il fait comme s'il y a bien du monde. On fera pas ça. Parle-nous de l'état des routes. Ah, ben. On pourrait faire un bruit d'hélicoptère. Ça sonne pas vraiment comme un hélicoptère, ça. Hein? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Comment tu fais pour imiter un hélicoptère? Ah, je... Ah, ouais, ça a plus de sens. T'as plus de chest? Ouais, ça a plus de sens. Arrête pas. OK. Oh, ben, on l'attend pas, c'est par-dessus le thème. Non. Ah! Non, c'est pas super. Bon, ça c'est pour. Mais vraiment, là. Les effets sonores. Je te passe un hélicoptère, moi. Ça, et ça, c'est pour appeler un écureuil hein, en hélicoptère, je pense. Okay. Il arrive. Là, je suis pas capable de le faire, mais j'ai. Attends, je pense que. Hey, t'as amené un Yann Martel, je te gage. Il y a un petit Suisse. Ouais. Moi, je pourrais enregistrer un petit thème musical là, avec tout ça. Ah, OK. Et on part en orchestre. On s'inscrit à la soirée de la musique demain. Hey, bonne idée, parce que t'as pas de chanson thème. Ta chanson thème, c'est un de nos fonds normaux de l'émission quand y a pas, t'sais, on n'a pas de petite intro. Faut t'en faire une avec ces instruments, ça va être super bon. Hey, oui, ça va être malade. Est-ce qu'on l'a fait live? On a à peine le temps. On se quitte après ça, c'est certain, OK? Ah, c'est ça. Puis okay. Moi, on les a tous faire une chanson qui existe? Moi, je fais rien. C'est ça. Dépêchez-vous, on aura plus de temps. Juste l'hélicoptère. On fait, qu'est-ce qu'on fait là, comme chanson qui existe? Là? On s'en invente une au hasard. OK. Chronique linguistique à Jasmine. Chronique linguistique à Jasmine. Jasmine, elle parle de langue, mais avec sa langue dans sa bouche. Bon. T'es faite, hein? T'aurais pas dû faire ça. Hein, ma chanson, hein? Ben, notre chanson, excuse-moi, je prends le crédit parce que je chante dessus avec ma voix mielleuse. C'était beau. Oui, hein? Oh, wow. Quand est-ce que vous l'enregistrez? C'est déjà, j'ai déjà coupé le bout, on va pouvoir la réutiliser, tu vois. Ouais, non, mais pour. Officiellement. Dans un vrai CD. OK. Puis, Version longue, on pourrait faire une version de 3-4 minutes ouais. De ça. Ouais. On pourrait mettre ça dans le palmarès. Oui. C'est la chronique Justine. Mais Jasmine. J'avais pas de l'appeler Justine à cause de toi, mais fatigué. Hein? Mais j'ai déjà le contente du moment staging. Oui, hein? Oui, je suis satisfaite ouais. Pour au moins un bon 2 mois là, okay. De moment staging. Il va falloir en staging un chaque 2 mois, c'est ça que ça veut dire? Oui, oui, oui. Ouais. J'espère que ça va être meilleur que celui-là parce que c'était. Ouais. Mais c'est pas pire une blague de poubelle, là, c'est pas mal drôle. Ouais, pipi caca à poubelle, c'est pas mal le nouveau calibre assemblage requis, hein? Oui, ouais, ouais, ouais. Justine, pour vrai, à cause de toi, Justine, j'aurais pas d'appeler Jasmine Justine. Ben. Je vais commencer à t'appeler Justine Jasmine. Jumine, c'est quoi ça? Juine. Juive. Ta langue fourchée ou ta moustache a pris le vent. Ma tache de sauce soya. Marie-Pierre pensait vraiment que c'était réel, que j'avais vraiment une tache de sauce soya. Non! Non! Je pensais que t'avais dit que t'avais frotté ta moustache avec de la sauce soya pour la faire pousser. Oh, OK! Ouais, c'est pire! Ça va être pire! C'est ouais. Un vieux remède de grand-mère, ça. Frotte ta moustache avec la sauce soya! Ah! Avec de l'eau de javel, je pourrais me blondir, me bleacher la moustache, non. Seulement la moustache. Oh hein. Non! Épargne-nous le look de porn star des années 70, là. Ça va être correct. Une chance qu'il reste seulement une semaine et demie. Ma oui. Moustache après ça. Au revoir pendant 11 mois. Ouais. Goodbye, hey. Hombre. C'est ça. Je vais enlever le chapeau, mon chapeau de Mexicain aussi très bientôt. Ouais, ben c'est ça. Là, ça fait du bruit en plus, ça prend la place. Tu fonces dans le micro, tu fais des hélicoptères. Ça se met mal par-dessus des écouteurs aussi. C'est vrai? Ah, ouais, c'est ça. Mais avoue que mon hélicoptère, t'as quand même pas si pire. Là. Tu l'as dit avant même qu'on en parle dans le meilleur moment. Tu t'as vraiment dit, fais ça sur ton chest, puis c'est exactement ce que j'ai fait. Oui, fais ça sur ton chest, man. Fais ça sur ton chest, man. Fais dude. Ton chest, man. Dude, man, bro. Ouais. Donc, c'est les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 21 novembre. On se retrouve en direct du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Olivier Marchand et moi-même Mathieu Plante. Ça vous va? Ça me va. Ça me va très bien. Vous allez être là? Bien, certain. À l'écoute? Oui. On va essayer de ne pas être décalé, là, mais. D'une demi-heure. Ça commence à 7h le matin. On va commencer à écouter, puis je vais passer direct à 40. On va me rendre à Montréal. On prend des cours à l'UDM. Ah, voilà. Juste c'est pour ça. Pour changer d'université. Mais c'est parce que je pense pas qu'on se rende à Montréal, mais bon, ton histoire est bonne quand même. Ah, vous allez vous rendre à Montréal. Je rendu à Louisville, là, tu vas te rendre compte que. Et c'est une autre station, finalement, c'est du country, tu sais. Ah, ben non, correct. Ah oui, c'est vrai, ok, je te comprends. Ouais. Les ondes n'y vont pas partout. Le 89,1 est très populaire dans les stations de radio. Hey, savez-vous pourquoi d'ailleurs. Oh, je sens une tranche de vie, là. Non, c'est pas une tranche de vie, c'est une tranche scientifique de vie. Oh, carrément. Une tranche de scientifique. On va apprendre des choses. C'est un bout d'Albert Einstein là, qui nous dit que la raison pour laquelle on peut pas entendre. Ben, entendre. En tout cas, on peut pas recevoir les ondes loin, c'est à cause qu'ils vont linéairement. Ouais. Puis, ben, la planète est ronde. Vrai. Fait que si on était dans le temps de Columbus, il n'y en aurait pas de problème. Là. La Terre était plate, on aurait entendu partout. Hein? Elle est très bonne. Fait qu'ils n'ont pas pensé à leur affaire en décidant que la Terre était ronde. Non, mais c'est ça, ils auraient pu faire autrement. Hein. C'est comme. Pas voir loin, ça, là, cette affaire-là. T'sais. Ah non, ça marche pas. Là. En tout cas, fait que c'est ça, moi, je suis frustrée. Là. Ouais. Tu ressembles à Albert Einstein avec ta tuque. La radio de. Hein? Qu'est-ce qu'elle a, ma tuque? Ben, tu ressembles à Albert Einstein dans le temps qu'il portait une tuque. Hein. Il y avait une tuque? Ben, c'est les modes, c'est cyclique, hein, je trouve qu'il portait des tuques personnellement. Il faisait du bicycle, en tout cas, c'est cyclique, là, ça explique la chose. OK, je la comprends à délai, mais c'est pas très drôle. Hey, délai. Ben, c'est correct, tu vas la comprendre demain soir entre 5 et 8. Ah, hey, c'est vrai, on a. Tu vas la réécouter. Ah, oui, je comprends! On a les rediffusions que t'étais pas au courant de. Ben oui, j'étais au courant, Colin, je t'ai dit, je lis. Ouais, OK. Bon, ben moi, je suis officiellement prêt à passer au prochain sujet, Marie-Pierre. Moi, j'ai des crampes de cerveau, je vous suis plus au moins une minute. C'est comme une slush, on l'a dit, les palmarès, c'est fou, c'est comme une slush avec toutes les saveurs ensemble et t'as le cerveau qui gèle. Oh, exactement. T'as pas entendu ça, toi? Eh hey, non, mais Colin, non. Bon. C'est bon, hein, c'est ma ben, c'est vraiment bon, par exemple, mais quand j'étais petite, là, je le faisais le mélange de slush. Mais c'est pas bon, ça. Ben oui. Ouais. Si tu le gardes en strat, là, puis tu bois, puis là, ah, ça a changé de goût. En strat, t'as l'épiderme. Là. Oh, wesh. Ben, tu sais, c'est vrai qu'ils ont des noms de même, la slush, maintenant. Ouais, là, genre, qu'il y a épiderme de poussin écrasé sur une vanne. Ça, c'est sans compter le fait que les gens qui travaillent dans un dépanneur, c'est eux qui font la slush. Fait que c'est sûr qu'il y a des traces d'argent et de cocaïne là-dedans. C'est sûr, dans une slush. Non, mais pour vrai. C'est runné par Mme Boucher, cette affaire-là. Probablement. Quand c'est moi par les gens. Bon, les alors on va aller écouter la 13e, la 12e position. Une chance que t'es là, Marie-Pierre, pour remettre les choses en place. Moi, je suis sortie de ma léthargie et tout d'un coup. Donc, en 12e anglophone, tantôt, il y aura des Call Me Rico avec Blue Moon of Kentucky qui descend de deux places. Et 12e position francophone, c'est Charlie Foxtrot avec Pas un public cible. Pas un public cible. Non. Ouais, public cible qui, j'espère, travaille pas dans un dépanneur parce que je les ai un petit peu insultés. Mais en même temps, Colin, l'argent, c'est ça, tu sais. Faut pas y toucher. À l'argent, non. Faites du troc à la place avec d'autres affaires, des vaches. Des... pas des vaches de même, Justine, voyons. Shining bright, the gold bring me back. Les Call Me Rico et la pièce Blue Moon of Kentucky, position numéro 12, ça descend de deux places. Et juste avant, c'était Charlie Foxtrot avec Pas un public cible. Les deux sont là depuis 5 semaines, donc c'est ça. Ça varie, ça bouge et ça change, mais plus les choses changent, plus elles sont pareilles, ça veut rien dire. C'est drôle, ça fait déjà 5 semaines pour Charlie Foxtrot et c'est en train de monter. Ouais. C'est assez étonnant. Ça a comme stagné par un bout, tu sais, dans le bas fond du palmarès, puis ensuite aller vers le milieu, mettons. On est pas mal rendu au milieu. Maintenant, la raison pour laquelle on est super, comment dire, acoustique en ce moment, sans aucun fond et sans aucune personnalité du tout, c'est comme bah, super plate, là. C'est parce qu'on se prête à vraiment vous mettre en extase devant le summum de la qualité des chroniques. Des palmarès assez fous, c'est la seule chronique, en fait, des palmarès assez fous. Mais bon, c'est celle de Justine, voici les tartines. Numéro 12. Ah non, excuse-moi. Je sens mauvaise neutre. Reprenons l'intro, elle était tellement belle, mon intro numéro en plus, c'était super. 12. T'es un méchant numéro 12, hein? Ouais. T'as de numéro 1 et de numéro 2 mélangés ensemble. Okay. Voici les tartines de Justine. Je vais te dire quand. Pas de suite. Pas long non plus. Au salut. Nombre de fois où est-ce que je dépasse pendant mon entrée. Ça numéro va. 12. Numéro 12. Alors, appelez-moi numéro 12 jusqu'à nouvel ordre. Ça peut être numéro 3 aussi, étant donné que tu es 1 plus 2, ça donne 3 dans la nouvelle. Oui, ben oui, là, mais là, t'es rendu ben trop calé dans les maths. Là. Je te suis plus. Je commence à l'avoir, ouais. Mais après, t'es impressionné par mon talent de calculateur. Écoute. Écoute. Oui, je suis très impressionné. C'est comme un match de hockey, toi, là. Attention, là. Bon, aujourd'hui, bon, de quoi qu'on parle, les enfants? C'est quoi ton affaire, là? Alors, aujourd'hui, on va parler d'une chanteuse que j'aime ben gros, que j'ai découvert à l'aide d'une amie droguée qui travaillait avec moi au Subway. Elle m'a fait découvrir ça. Ben, c'est oui. Le fun, ton amie, sa caractéristique, c'est ton amie droguée. Oui, mais je dirais pas son nom. Hein, non, on va s'en attendre. Fait que c'est ça. Alors, on parle aujourd'hui de M.I.A. Certaines personnes peuvent avoir entendu son nom. Certaines personnes peuvent aussi avoir mal prononcé son nom. Oui, en le lisant, tu peux dire pas Mia. Mm-hmm. C'est pas Mia, c'est pas Maya, c'est M.I.A. Il y a des points, là, lisez, là. Moi, je suis capable de lire. Alors, de son prénom... C'est un talent pratique à avoir, quand même. Oui, c'est un talent dans la société d'aujourd'hui, m'a dit, là. Quand tu vas aller aux toilettes, faut que tu saches lire. Ben, il y a des petits symboles, ouais. Okay, mais à l'université, ici, c'est très difficile de savoir hein, dans quelle toilette aller parce qu'il y a une pancarte d'handicapés sur chaque toilette. Donc, tout le monde demande, mais c'est laquelle, celle qui est pour les hommes? Ben, celle qui a un logo d'homme en haut, mais qui donne à avoir une chaise roulante aussi, accessoirement. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est tous handicapés à l'université. Ben, c'est ça. En gros, c'est ça. Alors, de son vrai nom, là, elle est née Methangi Maya Aril Pragazam. Fragazam barabam barbing barboum. Exactement. Okay. Ça, c'est un nom qui veut dire pas grand-chose, mais sa descendance, ça peut avoir une influence par rapport à sa descendance. Elle est descendante du Sri Lanka. OK. Et hindou en plus. Hey. Ça fait un beau mix. Oui. Alors, c'est ça. Puis MIA, pourquoi MIA? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, c'est un terme dans l'armée qui s'appelle Missing in Action. Ça veut dire si on t'a perdu à quelque part entre deux grenades puis qu'on ne retrouve pas ton corps, ben, si on t'a pris en otage puis on ne te retrouve plus jamais, on appelle ça Missing in Action. Mais on ne sait pas si t'es mort ou pas. Mais c'est ça, pas on ne sait pas. Ouais. Fait qu'on peut pas, tu sais, on fait-tu une tombe ou non? Là, tu envoies une lettre aux parents, dire, ben, your son is missing in action. Oui. C'est rassurant. C'est non, pas toi. Je sais pas pour toi, là. Alors, c'est ça. Ça pour dire que, oui, MIA, son nom, là, déjà, là, vient sous-tendre là, un angle de politique, de frustration sociale. Et c'est tout à fait ça, sa musique. Alors, cette jeune femme, mère d'un enfant maintenant, qui vient de l'Angleterre, un enfant qui vient de l'Angleterre. Non. Elle a un enfant. Hein? Je voulais dire que ta mère, parce que je trouvais ça drôle qu'elle ait un enfant. Bon, il ne dira pas, là, M.I.A., mais je trouve ça drôle que tu aies un enfant. Alors, britannique de naissance, elle fait de la musique hip-hop, électronique, danse, alternatif, la musique du monde, beaucoup, que vous faites entendre dedans ses trois différents albums. C'est comme mélanger des saveurs de slush en même temps. Hein? Mélanger pareil. Des saveurs de slush. Marie-Pierre. Oui, j'ai une question. Oui. T'as pas dit qu'elle était du Sri Lanka? Non, j'ai dit qu'elle était de descendance sri lankaise et hindoue. Moi, je croyais qu'elle venait du Sri Lanka. Ah non, je m'excuse, je me suis mal exprimée pour les gens à la maison et les gens avec des moustaches. On fait pas de discrimination. Elle okay, est de descendance. Donc, les gens avec des moustaches, c'est deux catégories de personnes complètement différentes, c'est ça? C'est ça. Il y en a qui piquent d'autres, non. Alors, voilà. Ouais, dépendant de l'endroit. Alors, M.I.A. n'a pas commencé comme auteur-compositeur-interprète. En fait, elle a commencé comme designer à l'ouest de Londres. Elle a terminé ses études dans une école de design, puis elle a trouvé ça belle fun. Si mais... tu dis « dedans », il faudrait que tu dises « de design », tu sais. « Dedans », de « design ». Une école de design, de « dedans » et de « dedans ». Voilà. Ouais. Puis, en fait, c'est la chanteuse Peach, tu sais, Peach qui fait des textes extrêmement osés, sexuels, explicites de toutes les... En tout cas, si vous connaissez pas le titre de ces tunes, il y en a qui s'appellent comme genre Shake Your Dicks, puis puis genre Fuck the Pain Away, des affaires de même. Beep. Beep. Après ça, Mario va la sauver dans Mario, tu sais. Puis c'est exactement. Il y a la même, c'est comme wow, là. Exactement. Pas la même Peach, hein. Non, c'est pas la même Peach. Fait qu'elle, elle a dit, ouais, tu devrais faire de la musique. Fait que là, elle voulait faire de la musique, mais elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas pantoute le sens du beat. Fait que M.I.A., la reine du beat, n'avait pas de beat en commençant. Alors, elle a commencé pareil en faisant son premier album, Arular, in 2005. Ça, c'est l'année 2005, pour ceux qui ne savent pas l'anglais. Là. C'est ça. D'accord. C'était pas le nom du, pas. C'était pas le titre de l'album. C'est en 2005, son premier album, Arular, qui a vraiment été très, très bien accueilli par les critiques. Deuxième album, Kala, qui porte le nom de sa mère, qui est hindoue. En 2007, encore une fois, là, superbe critique pour cet album-là. Et son dernier album, Maya, que vous avez peut-être entendu parler. Ça a sorti en 2010, surtout avec la sortie d'un mini-film très, très, très controversé. Oui. The fusils. Born Free. Il y a des fusils, il y a des roues, tout pour choquer pas les gens. Pas des roues. Hey, moi, des roues des comme roues, des personnes rousses. Là? Oui. Ouais. OK, excuse-moi. Oui, ça a été vraiment controversé, je m'en souviens. Extrêmement controversé. Là. Les images sont très, très, très choquantes. Puis on voit, c'est comme dans le contexte d'un génocide de roues. Ah, je la comprends, OK, ouais. Est-ce que tu l'avais vu, Mathieu? Je me rappelle, ouais. Ouais, OK, fait que c'est quelque chose d'intense, là. Ouais. Je vous aurais bien mis cette chanson-là, mais je trouvais que vraiment, là, ça serait beaucoup plus puissant si vous, vous alliez le visionner sur YouTube, le Born Free M.I.A. Ça fait vraiment réfléchir, là. Alors, à part de ça, mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors, on a déjà dit par rapport à Born Free et à toutes ses autres chansons qu'il y a toute une vision politique, sociale, philosophique et des références culturelles dedans sa musique. Elle a fait plusieurs collaborations, dont une avec Timbaland et une autre avec African Boy. Elle a aussi collaboré avec Kanye West parce que sur le dernier CD de Kanye West, elle chante dans une des chansons qui est très rap. Oui. Moi, je suis pas habituée d'écouter du rap, mais ça cette chanson-là, j'ai aimé la chanson particulièrement à cause de la présence de M.I.A. Ouais, M.I.A., elle a pas tout le temps un petit quelque chose de différent dans son rap. Ça, on n'a pas l'impression que c'est comme... T'as pas l'impression que... Ben, tu sais, c'est sûr c'est une fille, hein? Mais moi, quand j'écoute du rap, habituellement, de monsieur, j'ai tout le temps l'impression qu'ils veulent se taper une meuf. Mais là, elle veut pas se taper de meuf, de ce que j'ai compris. Mais meuf, c'est pas le pluriel de meuf, quelque chose de genre? Meuf. Meuf. Des meufs, mais elle veut pas s'en faire plus qu'une en même temps. OK. Une, c'est quand même, mais pas plus. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'aime ce style de rap-là. Ouais, ouais. C'est plus accessible pour moi. Une autre place où ce que vous avez peut-être pu entendre parler de M.I.A., c'était elle qui a fait la musique dans Slumdog Millionaire. Donc, oui, ces oui. chansons qui sont apparues dedans, Slumdog Millionaire. Yes. Film vraiment très, très bon. Et voilà. Au sujet de le petit film là, de Born Free, une chose que j'ai oublié de vous mentionner, là, mais qui est vraiment intéressante, c'est le réalisateur de ce petit film-là, c'était Romain Gavras, soit le fils de Costa Gavras, grand réalisateur grec. Là. Les gars qui ont des moustaches, eux autres aussi. Ben oui, je pense qu'il y a une moustache, il est rendu vieux. Mm-hmm. Il y a une couronne aussi. Alors voilà. C'était ça au sujet de cheveux. C'était ça, je disais. Ah, OK, c'est ça, c'est ça, oui, c'est une couronne de cheveux. Alors, tiré de son album Arular, on va entendre Hombre! Hombre! C'est-à-dire un Mathieu Plante avec moustache et sombrero. Ça, c'est un hombre! Parce qu'il n'y a pas d'hommes là-bas qui n'ont pas de moustache et de beau petit chapeau. Voilà, alors, superbe chanson qui nous amène dans le monde. Là. On écoute Assez fou! what? Yeah, my hips to the fix is a walk, yeah. With a good head, I came to make it. With a good head, I came to break it. Did your mama tell you about me? What did she say? Don't go play that. Gonna make that whole boy want me. Gonna make that whole boy take me. Excuse me, little homie. C'était M.I.A. avec sa chanson « Hombre » de son album « Aerialer » aux ondes de C'est fou. Oui! À l'intérieur, entre les deux tranches des tartines de Justine. Entre deux tranches de tartines? Hey! Ben, il y a du Nutella. Ah, ben là, tu l'as déjà fait. Celle-là, c'est supposé varier à chaque semaine, ton ingrédient miracle. Butter peanut et banane. Ça, c'est comme deux ingrédients. Tu viens comme d'en gaspiller un pour une prochaine chronique. Ben là, juste banane. D'abord, je pense que j'ai déjà fait beurre de peanut. Ça se peut. Ça fait une sandwich aux bananes. C'est bon, des sandwiches oui, aux bananes. Banane et sucre. Hey, j'ai sucre. Non, juste non. Banane. J'ai une anecdote. Du sucre? Ben oui, mon père faisait ça, mais c'est un bizarre. Donc... J'avais une anecdote au sujet des sandwiches aux bananes. Vas-y. Il y a un moment donné, j'étais chez ma mère, puis tu sais, quand on est petit, là, on se rend pas compte des affaires. Puis ensuite, j'ai été chez ma gardienne. Puis chez ma gardienne, on a été chez quelqu'un. Puis rendu chez ce quelqu'un-là, je me suis rendu compte que j'avais pas dîné. J'étais comme, oh my god, j'ai pas dîné, qu'est-ce que je fais? Fait qu'ils m'ont fait une tranche de pain avec des bananes coupées dedans. Je l'ai mangé, puis après ça, je me suis souvenue que j'avais mangé. Non. Oh! Ça m'a donné mal au cœur. C'est vraiment niaiseux. Ben ça m'a comme traumatisé. J'étais comme, oh mon Dieu, j'ai soupé deux fois. J'ai-tu dit dîner ou souper? En tout cas, j'ai mangé deux un fois repas. Mon repas. Ben oui. Fait que toi, t'as fait, oh mon Dieu, j'ai tellement faim, j'ai pas soupé, j'ai oublié. Et de nourrir pas après ça, oh non, j'ai mangé deux fois. C'est donc bien drôle. Ben c'est ça. Il n'y avait pas de beurre de peanut dans sa nouille. J'étais vraiment juste une banane avec du pain. C'est bon. Fait j'aime ça. Ça sonne. Ouais. Ben, mais le beurre de peanut aide vraiment beaucoup. Ah oui, vraiment, là, tu as un petit côté sucre salé. Oui, oui. Aigre douce. Oui, c'est ça, aigre douce. Aigre douce, bon. Je sais que, tu sais, on prend beaucoup de temps avec ta chronique, c'est toujours le cas, mais tu viens juste une fois par deux semaines, à un moment donné, tu sais, on en profite, hein? Ah, ben, c'est ça, je pourrais pas donner l'information sur deux semaines, je pourrais pas, tu sais, comme, bon, M.I.A., son nom, c'est Hamadaman, puis la semaine d'après, finir son nom, là. Non, mais une semaine, tu pourrais faire juste ton extrait musical et la biographie. Et la semaine suivante, faire juste des anecdotes de dons de sang, comme là, tu vas nous faire. Là, il faut que je fasse l'anecdote de dons de sang. Tu nous as dit que tu le ferais, donc fais-le. Bon, c'est ça. Alors, jeudi, voilà une couple de semaines, on a eu la brillante idée pour notre 40e mensiversaire. C'est un anniversaire de couple? C'est un anniversaire de couple de mois. Ça fait 40 mois qu'on est ensemble. OK. Fait qu'on décide d'aller mois, donner. Ça veut dire combien de temps, ça? Longtemps. Cool. 3 ans et demi environ. Ouais. C'est beaucoup, 40 mois. Mais pourquoi tu l'es pas au 48e mois, donc, ou comme aux 2 ans, genre? Non, parce que nous autres, on ouvre une bouteille de champagne au 25e mois, 50e mois, 75e mois, 100e mois, etc., etc. Eh bien. C'est ça. Fait ça qu'on se décide... calcule mal, je trouve, mais bon. Pas grave. Pas grave. On décide d'aller donner du sang. C'est important, là. On va aller donner du sang. Moi, c'était ma première fois. Ma copine, c'est sa première fois. Fait que là, on se rend là-bas, mais elle a une peur bleue des aiguilles. Fait que là, moi, j'avais hâte. Yeah, je vais donner du sang, je vais donner la vie, je vais donner du sang. De là, avoir hâte, là, tu sais, de se faire piquer, OK. Ah, j'avais hâte, j'avais donner hâte. La vie, c'est bon. Ouais. C'est ça, j'avais hâte de donner la vie. Alors, je lis les formulaires, blablabla. Il y a une question qui dit, avez-vous été au médecin dans les 6 derniers mois? Je dis, oui, j'ai été au médecin dans les 6 derniers mois. Ça le demandait comme ça textuellement, médecin. Oui, ça venait avec une grosse voix. Avez-vous des allergies? C'était des didascalies, là, c'est ça? Didascalie. Il me semble que c'est ça le terme qu'on utilise là, en théâtre là, pour dire comme genre, admettons, oui, Roméo, c'est des didascalies. Oui. Oh, Juliette. Ah, l'émotion qui va avec la réplique. Oui, c'est d'accord. Ça, exactement. Fait qu'il y avait une didascalie qui disait avec une grosse voix de Mathieu Plante. Alors, c'est ça, la madame me demande, mais là, vous avez été au médecin, pourquoi? Là, on m'a dit, je lui ai dit que je m'étais fait faire une petite biopsie de mon gros grain de beauté. Hey, le flashback sur les grains de beauté. Flashback de grain de beauté. J'ai un gros grain de beauté d'un centimètre par un centimètre dans le dos, ou même plus gros que ça, d'ailleurs. Un centimètre par un poisson. Ouais, mettons qu'on s'imagine. Fait que c'est ça. Fait que j'ai jamais reçu les résultats. Mais la madame m'a dit, je peux pas donner du sang. Je pouvais pas donner du sang. Non, déception. Ma copine, fallait elle qu'elle donne du sang pareil parce qu'elle avait pas de gros grains de beauté. Non, pas pour deux. Fait que là, on l'a vidé au complet, tu sais, à mesure comme. Je me mets à côté d'elle, il pique le bras, tout va bien. Fait que là, on respire, on parle avec la madame, on dit, ah oui, les plaquettes, ça va où? Puis les globules rouges, puis tout. Party de plaquettes. Elle enlève l'aiguille. Puis ma copine, elle allait bien. Puis ensuite, pouf, chute de pression. Ah, oh. Chute de pression. Fait que là, il faut faire remonter la pression. Fait que là, il abaisse toute l'équipe. Là. Elle devenait verte. Elle devenait toutes les couleurs. Puis finalement, elle était malade partout. Elle n'a jamais été aussi attirante. Ah, ben c'était... Oh, my God. 40e mensiversaire, je me serais passé d'un beau puke à terre. C'était dégueulasse. Brain Puker. Je pense que c'est l'ancien groupe du gars Tricot Machine, ça. Exactement. Ça. Ouais. Qui s'appelait Bussic. Bussic. Puis c'est ça, on venait juste d'aller manger au restaurant au Vincenzo. Mais c'était dégueulasse en ressortant. Ça sentait pas la même affaire. OK. Mais en entrant, c'était très bon, par contre? Ben moi, j'ai goûté, c'était bon. D'accord. Mais pas en sortant, j'ai pas goûté en sortant. J'ai pas fait un check. Justine, tu vas trop loin encore. Je m'excuse, tu mettras des censures. C'est en direct en passant à l'émission, je te dis. Ben demain, ça sera plus en direct. Pour la reprise, là, désolé pour ceux qui écoutent la reprise, il y a des bips partout. Là. Ben c'est ça. Fait que c'était ça, mon. Moi, je pensais que c'était toi qui avais une chute de pression. Non, j'ai même pas pu donner de sang. Ouais, mais t'aurais pu avoir une chute de pression en la voyant. Vomir. Ah, ben oui, j'ai eu une chute de pression en la regardant vomir. Moi, là, la chose que j'haïs le plus dans la vie, là, c'est genre le vomi et les moustaches. Là, c'est... Ah! Justine, respecte la moustache. I respect the moustache. Gotta respect the moustache. R-E-S-P-E-C-T. Hey, je l'ai fait, cette joke-là, en ondes, ouais. Ouais, c'est bien. Je t'écoutais pas. Ben, j'imagine. Hein. Non, mais c'est parce que sinon, il y a un copyright Mathieu Plante, ça. Ouais. Ouais, voilà. Fait que je vous laisse enchaîner avec vos affaires, puis je sais que je gruge du temps. Je sais. Mais tu sais que tu peux prendre le temps que tu veux, mais rester avec nous le temps que tu veux. Ah oui, je reste avec vous encore 15 minutes. Parfait. On présente le prochain bloc. Alors, on va aller entendre les positions. Numéro 11 du côté anglophone, il y aura Bruce Peninsula avec Chupacabra. Ça monte de 7 places. C'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, ce sera Cœur de pirate avec Adieu. Oh, oh, ça va être cute! Chanson qui a monté j'ai entendu 9 positions. J'ai entendu tout à l'heure. Elle est bonne, je vous le dis. Cool, tranche de vie. Celle-là, moins intéressante que l'autre. Ouais. C'est, ouais. À peine un peu. Faut pas t'offusquer en disant que c'est pas intéressant que t'as écouté de la musique aujourd'hui. Excuse. L'auto palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Tu ris si mal, tu ris de vide. Des taches de vin sur ta chemise. Qui a de boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées. L'amour, le manque, la tournée. Et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu m'aimes. Le menace de partir. Parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi je me lève et toi tu meurs. Me laisse de partir parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la terre, car tu sais que plus rien. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Numéro 11. Bruce Peninsula et Chubacabra, c'est en position numéro 11. Ça monte de 7 places. Je m'excuse, je parle par-dessus le cœur. Et juste avant, c'était cœur de pirate avec adieu. Ouais, c'était excitant, ça. J'avais l'air vraiment excité. Hein? Bon. J'ai un peu peur. Justine, toi, tu t'en vas bientôt. Je pense que je vais partir avec toi. Ah, c'est pas vrai. Ouais, on va manger des œufs à la coque. T'as ça dans ta poche, hein? Pas écaillé, par exemple. Sinon, ça fait des mousses. J'essaie vraiment de... ouais, OK, je comprends. Moi, je suis encore stické sur des œufs à la coque et puis dans ta poche. C'est ça, c'est ça. Mais bon. Donc, t'as compris? Non, c'est pas drôle. Pense-y un peu, c'est pas bien drôle. Oh mon Dieu. OK. Donc, c'est la fin de la deuxième heure. On se retrouve tantôt. On n'a plus le temps de parler parce que la chanson va finir. Oh non! Puis là, c'est comme inconfortable quand on parle par-dessus la fin et qu'il n'y a plus de musique en arrière. C'est bizarre. Bye. C'est long comme moment, ça. Wow! Bye, Justine. Bye. Bye. Merci, Justine. Bye. J'aime ça les moments inconfortables, mais je vais trop loin des fois. Puis, à dans deux semaines. Ouais. Pour moi, on a arrêté de parler de vomir. Hein? Oui. Ouais. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89. Bienvenue au Palmarès des Fous pour la troisième heure de ces trois heures. Hey, hein? C'est comme la dernière, dans le fond, hein? Oui. Moi, c'est Marc-Pierre Lafourche-Bourret. Oui, moi, c'est Mathieu Plante. En passant, juste pour ceux que ça intéresse, je sais que ça intéresse pas grand monde, là, mais quand même, Mathieu Plante, c'est... That's me! Je chante mal aussi, puis je parle mal aigu. Je fais plein de choses mal. Pourquoi? Je pourrais chanter moi-même le nouveau thème des Palmarès des Fous. Peut-être que je pourrais inventer une chanson à Justine. Je sais que tout le monde s'arrache mes nouveaux succès de chansons thème. Non? Ouais, où on pourrait aller écouter des chansons. Rabat-joie! Alors, on va l'entendre les 8e places du côté anglophone. Ce sera Tom Waits avec Chicago. Ça monte de la 19e. C'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, c'est Peter avec Rien ne nous rassemble. Au palmarès, c'est fou. Oh, c'est fou, c'est fou. Les palmarès, c'est fou. C'est fou, c'est les palmarès, c'est fou. Hein? C'était pas vraiment chanter, c'était plus parler avec des notes presque. On m'a dit d'arrêter de parler sur les débuts de pièces trop longtemps. Ça devenait comme gossant, tu sais. Ça fait comme... Des autres radios, ils font ça, tu sais. Ils arrêtent jamais de parler jusqu'à temps que ça commence à chanter. À la seconde près, tout le temps. Une chorale d'animaux s'est réunie sous ma fenêtre. Ils chantent fort, ils chantent faux. Mais le refrain lui reste beau. Il me remémore que moi aussi j'aimais chanter. Que moi aussi j'aimais compter sur mon armée de camarades. Si je me sens seul, c'est que rien ne me ressemble, rien ne me ressemble. Si on se sent seul, c'est que rien ne me ressemble, rien ne me ressemble, rien ne me ressemble, rien. Il m'arrive par moment de faire semblant d'être mort pour voir combien de temps s'écoule avant que l'on réclame mon corps. Ça peut durer des semaines noires comme des années-lumière. Chaque fois je flanche le téléphone dans ma détresse la plus sincère. C'est que rien ne me ressemble, rien ne me ressemble. Si on se sent seul, c'est que rien ne me ressemble, rien ne me ressemble. Si je me sens seul, c'est que rien ne me ressemble, rien ne me ressemble. Si on se sent seul, c'est que rien ne me ressemble, rien ne me ressemble, rien ne me ressemble. Rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien ne nous ressemble, rien. t'affectionne, qui jamais ne téléphone. Numéro 8. Are planted here, but they won't grow. We won't have to say goodbye if we all go. Maybe things will be better in Chicago. To leave all we've ever known for a place we've never seen. Maybe things will be better in Chicago. But it's brave for us to stay. Even braver to go. Wherever she goes, I go. Maybe things will be better in Chicago. But we need the Lord will give us all we want. We carry with us. You know where I can be found. Where the rainbow is the ground. I'm not alone. I'm not afraid, cause it's burning gold from its cage. There's so much magic we know on this sapphire we call home. My coat and my hat, I say goodbye to all that. Maybe things will be better in Chicago. Maybe things will be better in Chicago. Numéro 7. Le matin de Noël, cher, dis-moi que c'est qu'on va faire. Simon est grandi quand je m'assois, je pars en enfer, mon petit bout de ciel. Le sapin, le matin de l'hiver. Oh, ah, dis-moi donc que tu ne veux pas le faire, mon petit bout de ciel. Fleurs pour se marier, ma mère. Qu'est-ce que je mange? Je serai ton lapin au matin de Pâques. tellement belle. Numéro 6. Les Breastfeeders et la pièce Danser sur ma tombe, la position numéro 6 francophone, ça monte de 4 places. Juste avant, c'était Carrie Mouellette avec Demain la vieille. Demain la veille en 7e position francophone. Ça se ressemble. Également. Avant ça, attends, on va faire les francophones qu'on a entendus. Donc, avant Breastfeeders et Carrie Mouellette, c'était Peter Peter avec Rien ne nous rassemble. Position numéro 8, ça monte de 8 places. On a sauté par-dessus les positions 7, 6 et 5 anglophones que je te laisse faire. Oui, les 7, 6 et 5 anglophones. C'était... Non, on n'a pas sauté par-dessus la 5, Mathieu. Non, c'est ta raison. 8, 7, 6. 7, 6. Seulement 7, 6. 7, 6. En sixième position, c'était The Horrible Crows avec la chanson Behold the Hurricane. Et juste avant, ça aurait été Young Galaxy avec Peripheral Visionaries en septième position. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de sauter par-dessus les choses et de savoir où on est rendu? Hein? C'est mélangeant. C'est mélangeant. Damn you, Justine! Non, c'est pas vrai. Merci, Justine. Donc, on va être rendu aux positions numéro 5. C'est bien ça. Et on va les jouer toutes les deux. Donc, du côté anglophone, il y aura The Kooks. C'est stable. En 5e, 8e semaine de présence, la pièce s'appelle Is It Me? Et en 5e position francophone, c'est Propofol avec Fibre Optique. En 5e position, la semaine passée aussi. Hey, les deux stables. Ça arrive jamais, ces affaires-là. Non, mais le fun. Allez, ton palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Et tantôt, faut se promettre de faire ailleurs dans les palmarès qu'on fait plus depuis comme le début de la session. On va le faire tantôt. Je l'ai noté ici. Je peux pas l'oublier, c'est noté. Mettons. We'll be right back. 5. Is it me? Is it you? Is it the times that we're living through? Was it hard when I had to leave? That day you seemed to change. We all need someone to guide us, someone to introduce the show. I need someone just like you, someone to let me know. I can lose it all. When I began to break down, searching over time, bring me a pig's heart and a glass of wine. There was nothing that you could have done, there was nothing that you should have said. We're both still chasing shadows in our heads. It was all too Is it the times that we're going through? Was it hard? Did your heart break down? Is your mind still in control? There is a violence in love. Some things I'll never understand. So where the bullets missed you out, they hit me and I'm ben une belle bandante dans la bouche. Et belle, et belle, et belle. On vient d'entendre The Kooks avec Is It Me. C'est la position numéro 5 stable et 8e semaine de présence. Et juste avant, c'était trop folle avec Fibre Optique. Il en restait un petit peu dans la bouche. Trop, un petit peu. Ça paraissait à peine. T'sais. Bon. Tantôt, on entendra les positions numéro 4 du côté francophone, Crash Ton Rock et en anglo, Mother Mother. Mais avant ça, enfin de retour, parce que tout le monde l'attendait après plus de... Je pense qu'on n'a pas fait ça de cette chronique depuis mois. Le mois d'avril, sérieusement, pour vrai. Bon. Donc, plusieurs mois, comme tu dis. On va aller faire la section ailleurs dans les palmarès. Donc, c'est le top 30 des CD, le top 10 électronique et le top 10 loud. Nouvelle entrée en position numéro 18 du palmarès des CD, c'est la formation de Perms, qu'on a aussi entendu en position numéro 17 du palmarès anglophone. L'album s'appelle Sophia Nights. Après ça, dans le top 3, hein, Pierre? Oui, le top 3. Hey, c'est nouveau. C'est la première fois, oui, oui. C'est tout nouveau. Okay. Le top 3, c'est en troisième position, Library Voices avec Summer of Lust, qui était l'ancien numéro 1. Mm-hmm. En deuxième position, c'est Nan and Nap de Right Word. C'est le titre de l'album. Et en première position, une montée de 14 positions, c'est Duchess 16 avec In a Fung Day Tea. Le top 3 des disques canadiens ressemble étrangement à ce que tu viens de dire. En troisième, Library Voices, l'ancien numéro 1. En deuxième, Nans and Nat, montée de 28. Et Duchess 16 en position numéro 1, montée de 14 places. Nouvelles entrées dans le top 10 électronique maintenant. Il y en a deux. En septième, Golden Filter avec Syndromes. Et en troisième place, c'est 65 Days of Static avec Silent Running. Au numéro 2, c'est Trent Moller avec Rework Remixed. Et en première position, qui était la première position de la semaine passée, c'est... M 83 avec wow. Hurry Up, We're Dreaming. Bravo. Dans le top 10 Loud, qui est souvent le plus difficile à prononcer, mais cette semaine, c'est quand même pas si pire que ça. Une seule nouvelle entrée en cinquième place, c'est Forbidden Dimension avec The Golden Age of Lasers. Et en troisième position, c'est Machine Head, Into the Locust. En deuxième position, qui est l'ancien numéro 1, c'est Crisium avec The Great Execution. Et en première position, c'est The Devil's Blood avec The Thousandfold Epicenter EP. Wow, c'est la section ailleurs dans les palmarès. Bravo, c'est de retour. Là, faut juste pas l'oublier. Non. Ça va être difficile, je pense. On va essayer. On va être capable. On retourne dans le top 20 franco et le top 20 anglo. On est rendu au quatrième place en anglophone. C'est Mother Mother qui descend de deux places. Baby Don't Dance, c'est le nom de la pièce. Et du côté francophone, c'est Crash Ton Rock avec qui il priait. On écoute ça au palmarès. C'est fou. Je crache mon rock. Et aussi, sûrement... Ça, tu l'as fait la semaine passée, ouais, Mathieu. C'était pas drôle la semaine passée, non. C'est toujours pas drôle. Mais j'aime ça, merde. J'essaye, j'ai comme une persévérance. C'est persévérance, on t'en l'enlèvera pas. Non, c'est ça. J'ai déjà pas grand-chose, alors enlève-moi pas ça. Hey! Numéro 4. Imagine comment ce serait impressionnant si on pouvait voir tes trucs de langue à la radio, mais on peut pas. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. On vient tout juste d'entendre Mother Mother avec Baby Don't Dance en quatrième position anglophone. Et avant, en francophone, et avant que Marie-Pierre me dise, hey, tu parles pas en ongles, là, ouais, parles pas en... Donc, c'était Crash Toi Rock avec Il Priait, ça descend d'une place. Et là, on s'en va écouter la position numéro 3. Aucune référence à tout ce qui vient de se passer. Numéro 3, anglophone, c'est l'ancien numéro 1. Ah non, ça descend deux places, pas juste. C'est ma chanson. Library Voices avec Generation N Clap, ça fait 4 semaines que c'est là. Et du côté francophone, c'est Mauve avec Annie Hall, l'ancienne position numéro 1. Ben oui! Aussi! Hey, voyons donc, toi! Mm-hmm. On a deux nouvelles positions numéro 1 cette semaine. Mais que sera-ce? Que sera-ce? Qu'est-ce que ça va d'être, t'sais? Autre chose. Autre chose, sûrement, ouais, probablement autre chose. Annie Hall, Mo, Femme RSC Fou, 80 FM, condensé de meilleure musique, tu sais. C'est pas toute la meilleure musique? Whing! Dans un genre d'emballage cadeau, avec un petit chou. Tu sais que c'est fou, puis chou, ça rime, hein? Donc c'est vrai. Dans l'hôtel. over into something you could sell, something you could pawn off as intelligent. You spend your whole life working on your health until one day your habits disassemble. Go on to find something else, try telling that to your therapist. On a dit que les palmarès, c'est fou, c'était comme quoi, donc, tantôt? Comme un chat avec un laser. Oui! Facile à déconcentrer. On faisait quoi, déjà, Nathan? Qu'est-ce que tu viens de jouer? Library Voices, Mathieu. C'est une blague, voyons donc. Je suis comme un chat. Ah. Ben oui. Donc, Library Voices avec Generation Hand Clap, ça descend de deux places, l'ancien numéro 1. Et le numéro 3 francophone qui descend également de deux places, c'est Mauve avec Annie Hall. C'est qu'on essaie de trouver quelque chose pour comparer les palmarès, c'est fou. Parce qu'à un moment donné, t'sais, dire les palmarès, c'est fou, c'est t'as condensé la meilleure musique que c'est fou à vous offrir, c'est un peu redondant. La semaine passée, ouais. C'était... les palmarès, c'est fou, c'est comme une slush. Une slush, ça donne des crampes de cerveau. Et c'est meilleur quand tu mélanges toutes les sortes de slush en même temps. C'est un peu long. Ouais, ben là, c'est pas on n'a pas dit que ça allait être un slogan marketing comme écrit sur une affiche non plus. Hein? Ouais. C'est comme un chat qui a un laser, qui à un moment donné, c'est comme Speech Chamber, puis là, tu commences à comme faire pip, c'est comme fou, il sort tout le temps partout. T'sais? Ouais, là, c'est long aussi. Puis en plus, les effets sonores sur une affiche, pas winner. Non. Donc, les deuxièmes positions s'en viennent, Vulgaire Machin et Nans and Nat pour l'instant, on prend une pause. OK? Saute dans les airs. Tu vois pas le laser? Non. Saute ses murs. Non. Pèse dans sur le piton, là. Hey, tu commenceras pas à me dire quoi faire. On revient tout de suite, restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça pour revenir d'une pub, hein? T'aimes ça? C'est tout déstabilisé. Je sais, mais c'est que la dernière demi-heure, faut en profiter. C'est la dernière demi-heure de l'émission. C'est comme grandiose, cette demi-heure-là. Donc, profitons-en en revenant, en parlant. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est le fun. Donc, toujours, on parle de Restez Fous, 89.fm avec Marie-Pierre Laforge-Bourret. Et Mathieu Plante. C'est ça, exact. T'as raison. Bravo. Tu l'as retenu. Ça s'en vient bien. Tu retiens mon nom. Ben, ça fait quand même au-dessus de quelques mois qu'on anime ensemble, donc c'est le minimum que je puisse faire. Ah, c'est avec toi que j'anime depuis... Ah, OK, ouais, ouais. Là, je te replace, là. J'étais plus sûr. Elle me regarde avec les yeux qui clignent, puis elle fait comme, de quoi tu parles? Et on est rendu au position numéro 2 du côté anglophone, c'est Nans and Nat avec Huntington qui monte de 15 places. C'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, c'est les Vulgaires Machins avec Emancy. On parle assez fou, 89.fm. Arrête de cligner des yeux autant. On a eu froid, on a rempli des salles vides et vidé des salles pleines. On s'est brisé des doigts, on a signé des chèques, on a perdu la voix, on s'est fait lancer des bouteilles de Jack. Vide. Et même si on s'est détruit les oreilles, même s'il ne reste plus rien, même s'il faut se dire adieu. J'ai fait voler des centaines de fois. On a écrit des tunes plates, on a menti aux médias, on s'est engueulé avec notre agent de presse, mais on a fait la paix. On a transgressé des lois, on s'est fait fouiller aux douanes. Fait moins d'humains que de chiens, et on pognait des chocs. On a roulé 40 heures pour 40 minutes de spectacle. On s'est battu à main nue et insulté les masses. Chose à une fin, on Avec la pièce Huntington, c'est la position numéro 2, anglophone. Juste avant, c'était les Vulgaires Machins, avec la chanson Et même si, en deuxième position, francophone. Oh ouais, ouais, il reste seulement la position numéro 1. Oh. Oh hein, oh, et ça va rentrer juste ça dans l'émission. Allez Mathieu, dis-moi tes jeux de mots. Ah, c'est ça que tu voulais entendre, je le savais quand même. Toi et moi, dans les choses comme ça, on est comme branchés, tu sais. On sait exactement, tu sais, on sait qu'est-ce qui s'en vient dans l'émission. On est branché sur le computer, USB dans mon computer, là, underground, Wi-Fi, etc., etc. C'est malade. Je pourrais en rajouter beaucoup, beaucoup d'autres jeux de mots comme ça. Je pourrais dire, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre jeu de mots, puis il y en a un autre sorte de connexion, tu sais. Puis, Violette, puis, tu sais. Puis Violette, comment tu plugues ça? J'avoue que c'est difficile, hein. C'est difficile. Moi, des jeux de mots, je peux t'en donner une tonne, une barge. Il y en a de toutes les couleurs, t'sais. Des jeux de mots comme ça, de toutes les couleurs, dont entre autres la violette. Hein. C'est bon, ça. du côté anglophone, qu'est-ce que je pourrais bien dire là-dessus, Colin? Hein? J'aurais l'impression de me répéter, mes jeux de mots tellement sont mauvais. Je répéterais, je réitérerais encore une fois la même sorte de jeu de mots pas drôle. T'sais. Tout le temps. Tout le temps. Ce serait le temps de réitérer mes jeux de mots, tu vois, Jean. C'est ce que je viens de dire. Je viens de faire comme les royautés, là, qui disent des affaires là, vraiment sérieuses. Là. Royauté comme mettons, un roi, une reine, une duchesse. C'est normal que le fond ait arrêté parce que c'était vraiment plate comme jeu de mots cette semaine. Ou parce que c'était trop long. Trop long et plate, c'est ça. Donc, Violet P avec USB et Duchess 16 avec Time to Reiterate. C'est pas mal le numéro 1. Peut-être qu'un jour, ils seront drôles, mes jeux de mots. Ça s'en vient. Il y a du progrès. Sexuel de s'aimer dans cette touche de pixels, le plafond illuminé de lumière de Noël, c'est la même mélodie qui joue dans nos têtes. Dans ma tête, j'envoyais des messages dans les airs, reflété envoyés par mes noms satellites. Ils s'en sont retournés sur Terre, mes courriels. Oh, siroterrable. Dribble everything. C'était les positions numéro 1 des palmarès, c'est fou. Marie-Pierre, on fait ça chaque semaine, la petite musique de même pour en revenir. Tu commençais à parler. Ben... C'est drôle. Ben là... Mais c'est cute, c'est juste drôle. Bon, donc avant de parler des numéros 1, on va faire un petit récapitulatif. Ça, tu te rappelles de cette étape-là? Oui. C'est bon. Est-ce que tu veux faire le côté franco ou anglo? T'as le choix comme toujours, t'as la liberté. Là, non, aucun... je te laisse commencer. OK, pour se rappeler pas l'ordre. Gaffe. Oui, ah, vas-y. Oh, elle sans doute mal avoir fait une gaffe. Oh, allez, allez. Avoue que ça met de la personne. Allez, allez. OK, donc je vais faire le côté anglophone, d'accord? OK. En troisième position, Library Voices avec l'ancien numéro 1, Generation Hand Clap. En deuxième, ça monte de 15, Huntington de Nans and Nat. Et en première, on vient d'entendre Duchess 16 qui monte de 14 places avec Time to Reiterate. En troisième position, c'est francophone. C'est pas ça, voyons. Non, c'est ça. C'est hey! Je te Lola. Ça va faire. Hein? En troisième position, francophone, c'était Mauve avec la chanson Annie Hall. En deuxième position, Les Vulgaires Machins et Même Si. Et en première position, une chanson qui a monté de 7, c'est Violette P avec USB. Oh que oui! Mm-hmm. Bravo Marie-Pierre! Merci beaucoup. Ben, bravo à Violette P surtout, là, mais surtout. Bravo à toi de l'avoir dit. C'est la fin des palmarès, c'est fou pour cette semaine. On se retrouve jeudi prochain en direct entre 14h et 17h. Ce qui nous suit, c'est La Sécheuse puis Mathieu Leblanc-Houle avec La Spirale à 18h. On repasse le vendredi entre 17h et 20h. Ce qui après nous, c'est Les Lutins d'Enfer avec du métal. Et on repasse finalement les lundis entre 13h et 16h. Les Ladies du Boudoir s'en viennent dans quelques minutes. Certains d'entre vous allez entendre une pièce de la formation Young Galaxy avec Peripheral Visionary. C'est stable en 7e, mais on l'a sauté tantôt. Donc, encore une fois, certains d'entre vous. D'autres, n'allez pas l'entendre parce qu'on a oublié de vous avertir à ce qui passait. Ça va être fou un petit peu. Et là, c'est dit, ça. Merci, Marie-Pierre. Merci, Mathieu. Bonne semaine, tout le monde. De passer au travers de ce calvaire qui est les palmarès. C'est fou, c'est dur, hein? Oh. Tu peux me le dire, hein? Ben non. Si t'aimes pas ça. Hey, hey. Est-ce que tu veux l'écrire dans ton journal intime à ma place? Non. Mathieu, plante ma torture. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine. Là, la chanson commence, mais vous n'allez pas nécessairement l'entendre au complet. Okay? Bye. Bye. On vous aime.